Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 316 de notre podcast. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Nous sommes à nouveau ici. Nous enregistrons le 31 octobre, jour d'Halloween. Et puisque c'est Halloween, nous allons nous faire peur, puisque Clément est là. je ne retiendrai pas ce que tu viens de dire. Et bonjour accessoirement, sauf à Mathieu. Bonjour, bonjour et salut Boris qui est là comme d'hab. Bien le bonjour. Effectivement, c'est un jour un petit peu sombre et inquiétant. Oui. On verra si c'est inquiétant dans nos reviews ou pas. Oh, je pense que si. Si ce podcast sera un long fleuve tranquille ou non, à mon avis, non. Nous sommes, du coup, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Hein. Pour ceux à qui on manquait, sachez que la version écrite du site est... toujours disponible et sera toujours disponible et que Boris nous met une tartine d'articles et d'interviews chaque semaine, donc allez voir. Ça rigole pas, ouais. Je suis à fond là. Il y a des interviews qui arrivent encore, il y a pas mal de trucs qui sont annoncés, donc ça bouge du côté de l'écrit, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis si vraiment on vous manque, vous le savez, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur nos comptes perso, puisqu'on est quand même assez actifs. Oui, on s'occupe. Il y a de quoi faire. Il y a de la lecture quand même. Alors, j'ai un petit écho. Je crois que c'est peut-être chez Clément. Ça vient de moi. Ouais. Tu peux juste baisser le son dans ton casque. Attends. Baisse un peu. Là, il y a toujours un écho ou pas? Je ne crois pas. Si, non, je crois. Ah, si, peut-être. Là. Bah, écoute, on va voir. Je dirais. Là, j'entends plus. Là. Non, c'est bon. Ok. Allez, la petite introduction, le petit préambule étant fait, nous allons attaquer avec une partie VF. Comme d'habitude, que de la news hein, du côté de la VF, on n'a pas de review en vue. Donc Boris, je te laisse nous parler de toutes les sorties qui ont été annoncées ces derniers temps, et il y a quand même des trucs qui ne sont pas dégueulasses. Oui, alors ça va faire un petit peu liste, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes, et donc voilà, je voulais en dire un mot pour que personne ne rate toutes ces belles sorties. Alors d'abord, le programme de Delcourt a été annoncé sur les sites marchands, on va dire, hein, parce que l'éditeur sur ces sites n'est pas forcément toujours à jour, est très, très en avance. Donc un volume d'abord que j'attendais depuis très longtemps, et je pense que pas mal d'entre vous attendent aussi, c'est le volume 4 de Strebulets, ce polar de David Lafame qui est vraiment... vraiment excellent, et puis l'édition proposée est très belle, quoi, des beaux pavés noirs et blancs là, et c'est vraiment très bien, et ça c'est pour le mois de novembre. Le même jour il y aura enfin, je dirais, ouais. Depuis le temps que j'en parle, alors peut-être que peut-être que j'étais en avance ou je n'avais pas d'infos très précises, mais enfin l'intégrale Tony Chu qui va démarrer, a priori prévu en 3 volumes, donc je crois que c'était en 12 tomes au départ, donc ça devrait faire 4 tomes par volume, donc un beau pavé, donc on va pouvoir... Non, c'était pas en 12 ? Croyez. Oh, je vais vérifier. Bon, je crois que c'est prévu en 3 intégrales, je crois. Donc, de l'occasion de s'y plonger ou de s'y replonger. D'un point de vue super-héroïque, mais cette fois-ci côté français, une intégrale du comics masqué qui était sortie il y a quelques années, qui est un très bon comics français de super-héros. Ensuite, une sortie que j'avais traitée en VO, moi, qui s'appelle Grendel Kentucky, qui est un polar un peu rural et fantastique. Donc, vous pouvez voir la review si ça vous tente, ça va sortir. C'était déjà annoncé, mais bon, ça a été retardé, je pense. Stillwater, dont on parle depuis un certain temps, hein, qui est une bonne série aussi, un petit peu fantastique, très agréable. Le tome 2 de The Goon, donc ça, j'avais traité le premier tome l'an passé, donc c'est un tome par an. Très bonne série aussi, vous pouvez voir la review écrite. J'attendais ce tome 2 un petit peu plus tôt, mais bon, visiblement, ils sont partis sur ce rythme-là. Après, on en avait déjà parlé, ils ont beaucoup communiqué dessus. Il y a le Noctera de Scott Snyder. Bon. Ça, j'irai voir, mais pas forcément convaincu d'avance. Hein. Je ne suis pas un grand fan du monsieur. J'ai lu les trois premiers, c'est sympa. Ouais, bon, écoute, on verra bien, on va tenter. Des suites, Sonata, que j'avais beaucoup aimé aussi l'an passé, donc j'avais fait un article, c'était une bonne série de fantasy, on va dire, mais, et c'était assez agréable. Le tome 2, c'est le tome 2 de Reckless, la série de Ed Brubaker et Sean Phillips, dont le premier tome est sorti il y a peu de temps et qui est toujours un très bon polar. Et enfin, la suite de Blade Runner. Alors là, c'était 2019, donc la suite se continue dans Blade Runner 2029. Donc c'est une nouvelle mini-série, mais qui est en fait la suite. Et c'est, pour l'instant, c'est très sympa. C'est une bonne petite série, pas un énorme coup de cœur, mais assez agréable. Donc voilà en gros ce que j'ai retenu des prochaines sorties de Delcourt. Alors souvent il y a du décalage, donc bon, eux ils ont prévu ça d'ici fin janvier je crois, donc il y aura peut-être certains titres qui vont être un peu décalés, surtout que là en ce moment il y a des pénuries de matières premières qui peut impacter tout ça. Mais bon, on va dire d'ici le printemps 2022 on devrait avoir toutes ces séries, tous ces titres. Ensuite il y a 404 Comics là qui a fêté la sortie de Autonal avec un petit petite sauterie, on va dire, parisienne, et donc qui a annoncé son programme pour 2022. Tout est déjà bouclé. Donc, c'est un éditeur qui sort peu de titres, notamment en raison de, voilà, du marché un peu saturé, des ventes un peu difficiles, donc qui a fait ce choix-là, ce qui me paraît être une bonne chose s'ils veulent que leurs titres vivent correctement. Donc, celui qui m'a un petit peu surpris et dont on a déjà parlé, c'est Everything de, comment s'appelle-t-il, Christopher Cantwell. Donc, si tu te souviens, Mathieu, j'en avais parlé la dernière fois, j'avais dit que j'avais pas tout compris. Donc, ce sera l'occasion en VF de rejeter un œil et puis peut-être d'être convaincu cette fois-ci. Les tomes 2 de Jonah et de Dunes. Donc, de Chris Hamdi, Jonah et Dunes, le strip norvégien. We Live, ils en avaient déjà parlé, ce sera le premier titre de l'année 2002. Zombie World, et puis deux créations. Française, Mundus et Big Under. Voilà, donc ça fera 3, 6, 7, 8 titres donc, pour l'année prochaine. Les titres attendus, oui, vas-y. Non, c'est pas mal. Juste, tu as dit Willif, premier titre de 2002. Je crois que tu es un petit peu en retard. C'est vrai sur la chronologie. Purée. Ah, ça fait mal. Ah, mais j'étais pas né, c'est pour ça. Ah. Tu vois, je suis un peu décalé. Je comprends. Je suis Urban. Alors, je suis Urban, bon, bah, du Batman. Je ne surprendrai personne. Il y a quand même beaucoup. Là, j'ai fait un peu le tour. Bon, alors après, ça se comprend parce que DC ne produit quasiment que du Batman, on va dire. Donc, bah, Urban s'adapte, hein, forcément. Mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu embêtant, quoi. Moi, je trouve qu'il y a tellement une telle richesse chez DC. Bon, a priori, quand on s'attaque un petit peu à de l'ancien, ça ne marche pas forcément. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc parmi les titres Batman, il y a le Batman Imposter qui vient juste de commencer en VO, qui va sortir très rapidement. C'est dessiné par Andrea Sorrentino. Et puis parmi les titres un peu indé, il y a le Grendel de Matt Wagner. Alors je n'ai jamais lu, mais qui a une très bonne réputation. Le fameux Department of Truth dont on parle déjà depuis un certain temps, même si moi j'ai beaucoup de retard. J'avoue qu'en VO c'est pas toujours facile à lire. Il faut prendre du temps, hein. Donc voilà, j'ai pas pris le temps. Et donc, prendre du temps, il faut pas être fatigué. Oui, voilà. Ouais. Ça demande beaucoup de concentration. Ouais. Donc bon, je me dis, je vais peut-être stopper la VO puis prendre la VF si ça sort assez rapidement, puisque ce sera peut-être plus simple d'accès, on va dire. Et puis le Sandman de Simon Spurrier. Donc là aussi, en VO, pas toujours. Moi, j'avais commencé en VO, j'avais eu du mal. Pas toujours accessible. Le Simon Spurrier, hein, au niveau des dialogues notamment. Bah, donc, Spurrier en général, hein, il est assez. Ouais. Donc voilà, ça c'est un titre attrapé. Enfin, pour finir, chez Futuropolis, il y a une réédition de Hardboiled de Frank Miller et. Comment s'appelle-t-il ? J'ai un trou. Celui qui a. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais retrouver. Okay. Enfin, il y a une réédition. Okay. Super. Qui était intéressante de Hardboiled, ce titre. Qui est déjà paru chez Glena, je crois, au départ. Ouais. Entre-temps, j'ai vérifié pour Tchou, c'est effectivement 12 TP en VO. Ouh, ouais, c'est ça. Mais par contre, ils ont fait en VO 6 hardcovers, ce qui correspond en général à ce que fait Delcourt au niveau intégral, donc c'est étrange qu'ils regroupent ça en 3. Peut-être que j'ai chopé une info qui n'était pas forcément correcte, moi c'est ce que j'ai vu, mais après, peut-être pas. Possible. Et le Hardboiled, c'est avec Jeff Darrow. Voilà, j'ai été vérifié, voilà. Jeff Darrow, j'ai eu du mal à retrouver. Voilà pour les news, du coup. Ouais, et puis en VO, mais ça, je pense que personne n'est passé à côté, ou presque. Hein. Saga va revenir en janvier. Ouais. Donc là, je pense que c'est attendu par pas mal de monde. Vu les réactions sur les réseaux et vu le nombre de stories Instagram qu'on a vues qui reprenaient l'annonce du retour de Saga, oui, à coup sûr, ça va être un carton. Et puis, une autre série, peut-être moins, moins populaire, mais qui, dans notre cœur, est aussi chère, on va dire. C'est clair. Le Royal City de Jeff Lemire. Ouais. Oui. Donc, donc le scénariste a annoncé une suite à apparaître à partir de janvier aussi, je crois. Hein. Ah, je suis assez sûr. Non, 2023. Ouais, 2023, c'est loin. Oui. Ah oui, bon, j'ai des problèmes avec les années, moi. Il commence à peine. Mais c'est assez intéressant les raisons pour lesquelles il énonce qu'il fait une suite de Royal City, c'est que manifestement, il n'a pas été du tout satisfait par la fin qu'il a donnée au titre à la base. D'accord. Ouais, Lemire l'a dit qu'il n'avait pas été satisfait, que c'était au moment de son burn-out. Enfin, j'ai appris qu'il avait fait un burn-out. Et que du coup, il n'a pas été satisfait. Mais du coup, je comprends un peu mieux la substance de Royal City, c'est de l'écrire au moment où il était en burn-out quand même. Parce que ça se ressent quand même vachement. Ouais, non, du coup, parce qu'on savait qu'il allait avoir une suite, hein, puisque le hardcover s'appelait volume 1, donc, et ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà. Donc, en général, chez Image, surtout sur les creator-owned comme ça, on ne met pas volume 1 pour rien, donc on avait bien compris qu'il allait avoir un volume 2. Ouais. Une fois, je ne connaissais pas les raisons, et ok. Parce que je me demandais pourquoi ça revient, c'était très bien comme c'était. Bon, apparemment, il y a une bonne raison. Moi aussi, ça m'a surpris parce que moi je trouvais que c'était vraiment excellent comme c'était écrit. Mais bon, après, je pense que, effectivement, Jeff Lemire, c'est pas quelqu'un qui va faire une suite pour faire une suite, quoi. Suite tous ? Ah oui, pardon. Ah, je l'ai toujours pas lu, celui-là. Enfin, je le dis. Allez, mais, un petit tacle bon. Par derrière, ça fait. C'était le premier. Ah, c'était fait. Bon, mais sur Royal City, oui, effectivement, il pouvait y avoir un motif, on va dire, plus valable. Donc, oui. Bon. Mais bon, pour l'instant, on a Mesbook qui. Et on va s'en contenter. Voilà, qui est dans le même esprit. Oui, on va s'en contenter très largement, même. Vu que c'est du même niveau pour l'instant. Donc, ouais. Donc voilà, les deux petites. Enfin, deux grosses annonces VO. Ouais, des grosses annonces. Voilà. Oui. Avant de partir sur nos reviews VO. Nous allons faire une petite pause et un petit passage du côté des écrans. C'est Halloween, on va se faire peur. Donc Clément, je te donne un petit temps pour nous dire à quel point c'est nul. Ouais, on parle de Venom, et, hein, bien sûr. Venom, et évidemment, on parle de Venom. En même temps, un titre qui... Oui. Enfin, c'est dans le titre quoi, que ça va être nul. Oui, exactement. Alors... J'y suis allé pour juger par moi-même la qualité du film quand même. J'avais un peu cet esprit-là. J'en attendais strictement rien. Et je pense sincèrement, notamment si on lit les comics, qu'on a pu lire Venom. Ouais, je pense que par exemple, si on a pu lire le run de Donny Cates, on va être quand même un minimum exigeant sur Venom. Et donc, moi, j'avais vu le premier. Je m'étais dit, bon, ça se regarde. C'est mauvais. Et ça se regarde quand même. Et j'avais vu des critiques comme quoi le 2, c'était encore plus mauvais que le premier. Je me dis, non, ils l'ont quand même pas fait. Et en fait, on comprend dès les 5 premières minutes du film que ça va être n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est sur tous les plans, du point de vue du scénario, du point de vue du jeu des acteurs, du point de vue de la photographie, du point de vue des scènes d'action, du point de vue de la musique. C'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre de nullité. Venom 2 est sans doute l'une des pires adaptations de comics que j'ai pu voir au cinéma. Ça surpasse de très loin. J'ai rarement vu un film où les acteurs, je l'ai vu en VF, hein, mais ça m'a suffi. J'ai rarement vu un film où les acteurs, clairement, en avaient strictement rien à battre de ce qu'ils jouaient. C'était, mais en termes de respect du matériau d'origine, c'était une honte absolue. Et alors le scénario, mais je vais employer un terme qui est à la mode, mais le scénario est totalement claqué au sol. Il n'y a aucun enjeu, c'est mal écrit. Je ne connais pas trop le personnage de Carnage, mais si j'ai clairement, je pense qu'il est dans mon rue, rien à foutre de l'histoire du base de personnage, et n'en parlons pas de Venom. Donc, c'est vraiment d'une nullité absolue. Le film dure, je crois, montre en main, en ne comptant pas le générique, 1h30. C'est nullissime. Et le seul, j'ai envie de dire, le seul intérêt, et encore, le seul intérêt du film est la scène post-générique. Cette post-générique qu'on peut voir sur YouTube. Donc franchement, plutôt que manger 1h30 de film, et je précise, hein, je l'ai vu avec mon abonnement de cinéma, j'aurais clairement jamais payé près de 10€ la place pour aller voir cette merde. Enfin voilà, c'est seule la scène post-générique vaut le coup. Est-ce que je la spoil ou je la spoil pas? Bon, si elle est disponible sur YouTube, on va inviter les gens qui veulent aller la voir ouais. sur YouTube, et puis voilà. Bah, qui pour le coup promet vraiment quelque chose. Mais vraiment, c'est sincèrement, ouais, le titre Let's Beat the Carnage, effectivement, ouais, le film est un carnage sur tous les points. C'est vrai qu'en relisant des critiques, j'avais pas capté. Enfin, sur le moment, je m'étais pas fait cette impression, mais en y repensant, les acteurs sont mauvais, les effets spéciaux sont quand même assez moyens, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le film est moche, enfin concrètement moche, mais dans tous les aspects. Je comprends pas comment en 2021, enfin si, ça peut se comprendre. Après tout, je crois le Venom 1 a fait 1 milliard, je crois, de recettes quasiment. Je sais pas, je t'avoue que... Je crois qu'il avait fait énormément de recettes, donc j'allais dire, je comprends pas comment on peut sortir un film comme ça. Si, effectivement, avec le box-office, Sony peut le justifier. Et puis là, manifestement, vu les chiffres de Venom 2, bah, ça va conforter Sony dans son optique. Mais il reste que je comprends pas comment c'est possible de faire une adaptation comme ça et de s'asseoir à ce point sur une adaptation. Au bout d'un moment, Sony, c'est plus possible, quoi. C'est pas possible de faire une adaptation comme ça quand on tient les droits du personnage. Enfin, depuis X années. Enfin, remarque, on dirait Spider-Man 3, ils avaient quand même bien massacré Venom. Mais là, c'est un peu le même délire. Donc effectivement, ouais, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur pour tout lecteur de comics qui apprécie le personnage, qui apprécie l'univers. Kevin Feige doit utiliser Venom par un accord futur ou je ne sais quoi pour le MCU, et ben bon courage à Marvel Studios pour essayer d'utiliser le contenu, ou plutôt l'absence de contenu qu'a mis en œuvre Sony, parce que ça va être quand même très très très compliqué. Mais c'est franchement, je voulais le voir par moi-même, je vous dis, des fois les critiques exagèrent quand même. Après tout, ils avaient pu dire des fois que le film Shang-Chi était pas terrible, ça se regardait plutôt facilement. Mais là, c'était très, très, très, très, très, très mauvais. Je peux même pas dire que j'ai pris du plaisir à regarder le film, parce qu'en fait, j'étais assez consterné, que ce soit par le début du film, l'enchaînement du scénario, ou l'absence de scénario, et même le climax de fin. Il y a même des scènes ultra gênantes. Il y a une scène qui est ultra gênante dans le film, vraiment. Enfin, c'est, il y a rien à sauver, quoi. Vraiment, mais il y a rien. Tom Hardy est nul. Pourtant, c'est un bon acteur. Hein. Vraiment, mais c'est de la merde. Enfin, je vais le dire clairement, c'est de la grosse merde. Voilà. Et bon, on va s'en arrêter là. Hein? Ça fait presque déjà trop de temps d'antenne pour ça. Ouais, t'as vu ça? Ouais, effectivement, c'est. J'aurais pu résumer accès de la merde, allez pas le voir, point barre. Tu vas encore te faire des amis, toi. Je crois qu'on a compris. Ouais, t'as vu. Bon, allez. Ouais, bah Sony va me kiffer. Passons à autre chose. L'horreur du jour est passée. Enfin, il y en aura peut-être une autre ou une ou deux autres dans le programme, on verra. Mais on va passer maintenant à nos reviews. Alors, les reviews, on va commencer avec toi, Boris. Pour un titre Boom, je crois que tu nous avais peut-être parlé du numéro 1. Je me souviens plus. Peut-être parce que Dark Blood, ouais, parce que je l'ai lu un peu, enfin pas dans le désordre, mais je suis un peu en retard et j'avais lu de façon décalée un peu, donc je ne sais plus si j'en avais parlé. Donc Dark Blood, c'est chez donc Boom Studio, comme tu l'as dit, c'est scénarisé par Latoya Morgan, dessiné par Walt Barna et colorisé par AHG, donc je ne sais pas, un studio peut-être de colorisation, enfin, peu importe. Donc c'est un titre qui se déroule dans les années 50 aux États-Unis après la guerre, et on suit un ancien militaire qui a fait la guerre, afro-américain, qui a été blessé pendant la guerre, et qui est revenu chez lui, et qui depuis subit les conséquences de cette blessure avec des douleurs atroces au dos. Et il va essayer de soulager ses douleurs en allant voir un personnage, un médecin un peu obscur. Voilà en gros le pitch. Alors je vais parler du 1 et du 2. Alors le 3 est sorti, mais je ne l'ai pas encore lu. Dans le 1, on découvre le personnage dans une scène un peu de sortie de café dans une rue sombre où il est agressé par un type qui veut lui régler son compte. Et on découvre à travers cette séquence son problème, son passé et un petit peu la façon dont il a résolu ses problèmes, puisqu'on s'aperçoit qu'il a des pouvoirs. En même temps, la scénariste nous livre un petit peu son passé de militaire. Donc, il y a des superbes planches qui se passent dans le ciel, des combats d'aviation. Là, en termes de dessin, c'est assez, assez sublime. Et puis, dans le numéro 2, on retourne un petit peu en arrière et on découvre sa vie de famille avec sa fille et sa femme à travers des séquences où la ségrégation raciale de ces années-là est bien rendu et bien expliqué. Donc c'est un découpage un petit peu original, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, donc ça c'est assez sympa. Et pour l'instant c'est une série très agréable à suivre. Alors je sais pas vraiment quelle direction globale veut prendre la scénariste, on verra bien. Mais pour l'instant je suis bien accroché et puis graphiquement je l'ai dit tout à l'heure, hein, franchement c'est très très beau, c'est super super régulier, nickel. Et puis au niveau des couleurs aussi c'est assez joli. Donc c'est un titre vraiment sympa. Que je vous invite à découvrir. Ce sera en 6, c'est déjà annoncé, déjà prévu. J'ai tenté ça comme ça, sur un coup de tête, on va dire, c'est du Boom Studio, et ça fait bien plaisir, c'est une bonne petite série. Voilà. Ouais, j'avais lu le numéro 1, il faudra peut-être que je continue un jour. Mais oui, j'avais trouvé ça plutôt sympa, voilà. Sans me déborder de joie, c'était sympa. Bah le 1 est... propose quelque chose, et dans le 2 c'est un petit peu différent, donc c'est voilà, c'est deux numéros, deux ambiances, on va dire. Ouais. Et je pense que ça, voilà, on va voir ce que propose le 3e, mais là il y a le 4 qui va sortir. Enfin moi je pense que c'est une série, a priori je vais aller jusqu'au bout en 6 numéros, et pour l'instant c'est assez sympa, donc je suis bien accroché, voilà. Okay, encore une bonne série, une bonne mini Boom Studio. Ouais, il y en a pas mal, il y a de quoi faire, ouais. Ensuite, ça va être à Clément de nous parler de la fin d'Ascender, qui date de quelques semaines, oui. Mois maintenant. Oui, de quelques mois. Comme je n'avais pas pu être présent lors de la dernière podcast, je n'avais pas pu le reviewer. Mais je crois que la fin d'Ascender doit dater du mois d'août. Donc, ce n'est pas super frais dans mon esprit, mais je vais quand même pouvoir donner un avis général. Ça va être un ressenti global, hein, parce que forcément, avec la conclusion, j'ai maintenant ce ressenti global. Je l'avais déjà dit lors de mes précédentes reviews, Ascender me laissait l'impression quand même qu'on était face à un titre très différent de Descender, à la fois dans sa construction et même dans les enjeux, même si on était vraiment dans la continuité du titre de Descender. La conclusion confirme à la fois cette impression et permet clairement d'ancrer encore plus davantage Ascender. Disons dans Descender. En fait, finalement, si on veut parler de Descender, pour moi, il faudrait aussi inclure, Ascender. Les deux, Descender est différent dans la manière dont il traite les choses et même dans la rapidité d'exécution. Mais en fait, c'est un tout qui ferme avec Descender. Et la conclusion d'Ascender est très bien écrite. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que je pense qu'Ascender a eu quand même quelques défauts par rapport à Descender. Les choses pourraient être soit des fois trop rapide dans l'exécution, voire trop lente, il y avait des fois des petits temps mous. Mais il n'empêche que l'émir et Nguyen nous offrent une véritable conclusion. Une conclusion, moi, qui m'a... Je dirais pas qui m'a surpris, mais qui m'a paru satisfaisante. C'est une belle conclusion. Comme je trouve que l'émir sait les faire, il a su créer un univers de SF tout à fait intéressant. Et vraiment, je dirais les deux, trois derniers numéros, il y avait eu une montée en puissance. Et ce numéro, le numéro conclusif, vraiment, cristallise vraiment tous les enjeux qui se sont produits. Donc c'est vraiment une bonne conclusion. Sans doute que certains vont pas être réellement satisfaits, mais moi j'ai trouvé que c'était une belle conclusion. Nguyen s'est surpassé sur le titre, c'était assez incroyable. Chaque case c'était d'une beauté mais hallucinante. Donc vraiment c'était vraiment une belle conclusion. On n'a pas ce sentiment que pour le coup que l'émir fait une fin ouverte à Sander. On sent qu'il en a terminé logiquement. Bon après on n'est jamais à l'abri de surprises, mais il en a terminé avec ce titre, quoi. C'était pas littéralement, c'était pas comme Dissender où là il nous teasait la suite avec un Thunder. Non, là c'était vraiment la suite où il a bien traité de ces éléments, c'est-à-dire il y avait la magie qui était clairement le point central de Ascender, et à la fois aussi ce qui n'était pas présent dans Descender et qui était assez intéressant, qui a peut-être pas été très suffisamment bien traité peut-être par moment, mais un aspect de, je dirais, de mysticisme. Il y a un aspect de mysticisme dans Ascender qui n'était pas présent dans Descender et qui était très intéressant. Donc c'était moi j'ai aimé, c'était vraiment une belle conclusion, et je pense que je sais pas où s'en est la publication BF, mais je pense que ça mérite. Enfin, en gros, ça mériterait, en fait, il faudrait que je, moi, à titre personnel, je me dis qu'il faudrait sûrement que je relise Descender et Ascender complet, quoi. Donc, ouais, non, c'était, j'ai beaucoup aimé. La publication en français, il y a les 3 tomes. Donc, il manque le dernier tome. D'accord. Qui va sans doute sortir bientôt en VO, déjà. Après, j'avais lu, hein, j'avais suivi, mais j'avais décroché, franchement. Je trouvais que c'était trop lent. Il y avait des épisodes où je m'ennuyais. Donc j'ai fini par voilà, mois par mois, je me souvenais même plus si c'était passé, il n'y avait pas eu grand chose. C'est le donc problème. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors je me disais que j'allais reprendre peut-être en TP ou en VF. Alors le problème de la VF, c'est que c'est un petit peu cher quand même. Hein. J'ai regardé là 96 pages pour 15 € pour 4 épisodes. Ouais. C'est pas voilà, c'est pas donné. Les tarifs urbains, bon, ça a un peu changé quand même. Ça doit revenir moins cher en VO pour le coup. Oui, ben en VO, on peut trouver à 10-11 €. Mm. Le TP, donc peut-être que comme j'ai une partie des singles, je finirai en TP, sans doute même, hein, pour voir, hein, pour avoir l'ensemble. Mm. Et peut-être que de les lire à la suite, en format TP, oui. Ça va être plus agréable, parce que franchement, en single, c'était barbant. J'ai eu du mal. J'étais comme toi, je suis assez complétiste et j'aime bien avoir une série complète quand je l'apprécie. Même s'il y avait des défauts, j'apprécie la Thunder. Mais c'est vrai, effectivement, c'était lent. Il se passait des fois pas grand chose. Et effectivement, moi aussi, des fois, le fait de lire par mois, c'était un peu, ça me perdait un peu par moment. Et je pense que c'est un titre qui est, c'est pas comme Descender finalement, parce que Descender, ça avait beau être par mois. Franchement, il y avait des numéros, c'était incroyable et ça te prenait vraiment, tu te souvenais bien de ce qui se passait. C'était pas le cas d'Ascender et je pense que ça doit être une série où il faut le lire d'affilée et complet en TP. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça sera plus agréable. Mm. Donc bon, je verrai ça sans doute quand ce sera fini, enfin quand ça sortira en TP, puis on verra. Très bien. Eh bien, c'est OK pour Descender et Ascender, du coup, fin du cycle. Et pour ma part, je vais vous parler maintenant de Son of Kal-El, Superman Son of Kal-El, le numéro 4 qui est sorti il y a une bonne semaine. C'est pas un secret, j'adore cette série. Hein. Les 3 premiers numéros étaient vraiment super. Dans le numéro 4, bon, à ceux qui me suivent sur les réseaux Instagram notamment savent ce que j'en ai pensé. Dans le numéro 4, ben, ça y est, on a trouvé quelque chose que Tom Taylor ne sait pas écrire. Il s'agit des parents, Martha et Jonathan Kent, qui ont l'air d'espèces de zombies déshumanisés, de robots, enfin je ne sais pas. Il n'y a aucun sentiment. Ils ont vécu un truc absolument abominable dans la fin de l'épisode numéro 3 et au début du numéro 4. Et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, il n'y a aucune réaction de leur part, tout est normal, c'est un jour comme les autres. Alors oui, ils ont vécu beaucoup de choses avec Clark, mais quand même, quoi. Quand même. Donc bon, après pour le reste du numéro, on est toujours, ouais, c'est toujours très bon. Il y a ce petit écueil de Jonathan et Martha, mais pour le reste, on a un Superman ancré dans son temps, qui est jeune, donc qui fait ses erreurs aussi. Qui est un petit peu maladroit, notamment quand il s'agit de s'en prendre au méchant de cet arc qui est Henry Bendix, le président d'un pays. J'ai oublié le nom du pays, mais c'est pas très grave. Quand on s'attaque à quelqu'un d'ancré politiquement dans le monde, peut-être qu'on y va un peu moins frontalement que le fait John. Mais lui, John, on va dire, il est entier. Lui, il a envie de faire quelque chose, il le fait, peu importe les conséquences et peu importe la méthode, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il va agir selon ses valeurs. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. La relation avec Jay continue à se construire. Vous savez ce qui va se passer dans le numéro 5, parce que DC a eu la bonne idée de nous spoiler. Maintenant, on va voir comment tout ça se déroule. Mais en tout cas, on a un très bon même premier arc pour Son of Kal-El plutôt. Vraiment, vraiment très, très, très cool. Et puis, John Timms au dessin, pour moi, ça le fait. pour moi, ça le fait. Donc, une des meilleures productions d'ici du moment, ça, c'est certain. Je crois que je suis le seul à le lire. Oui, oui. Ouais. Donc, on va enchaîner avec toi, Boris, sur The Nice House on the Lake. Et là, oui, tu n'es pas le seul à le lire. Voilà. Ça, je pense que toi, plus plein de monde. Ouais. j'imagine, enfin, j'espère en tout cas. Il y a pas mal de monde, ouais. Ah, je pense que c'est une série qui tourne bien quand même. Oui. Donc là, je vais parler un peu du 4 et du 5. Alors le 4, j'en avais fait une review écrite avec la note maximale. Donc vous pouvez aller voir un avis plus détaillé peut-être. J'avais été subjugué, on va dire, par le 1. Et je crois que le 4 m'a autant impacté. Tant c'est vraiment bien écrit et surprenant. Donc c'est toujours James Stainford au scénario, Alvaro Martinez Bueno au dessin et Jordi Belair à la colorisation. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail parce que sinon ça va quand même beaucoup spoiler. Hein. Ouais, il se passe beaucoup de choses et on sait jamais trop quoi raconter en fait parce qu'on a. On sait jamais trop ce qu'il va réutiliser ou pas. Donc. Voilà. Donc le pitch de départ c'était un individu qui a invité ses anciens amis, on va dire de jeunesse, dans une grande maison pour un week-end et puis en fait. Là, je pense qu'on peut spoiler quand même la fin du numéro 1. Oui, ça fait 4 mois maintenant. Voilà. Et donc, en fait, bah, il s'était plus ou moins... Enfin, si, pour les sauver d'une apocalypse, pardon, puisque la Terre est ravagée par une invasion alien dont ce personnage est un des instigateurs qui est en fait... Donc, leur ancien ami est en fait un alien, a priori. Voilà. Et donc, il se retrouve dans cette maison au bord du lac et puis, ben, il va falloir qu'ils se débrouillent avec le peu d'indices qu'ils ont, savoir comment ils peuvent, ce qu'ils doivent faire, essayer de s'échapper, rester là, etc. Sachant qu'ils sont coupés globalement du monde extérieur et qu'ils découvrent petit à petit tout un tas d'indices étranges et mystérieux. Certains s'aventurent un peu autour du lac et découvrent aussi des choses qui à chaque fois rajoutent un petit peu de mystère. Donc là, dans ces deux épisodes, donc le 4 et le 5, chacun bénéficie quand même d'un cliffhanger assez fort, surtout le 4 qui change quand même la donne et franchement c'est vraiment bien écrit, c'est surprenant à chaque fois, enfin voilà, il nous révèle des choses qu'on n'attendait pas forcément et je trouve qu'il travaille bien la psychologie de ses personnages, même si comme il y en a beaucoup des personnages, il y en a 3, 6, 9, 10 oui, puisque maintenant depuis la dernière fois on a compris à quoi servaient ces symboles, ce qu'on aurait dû sans doute comprendre depuis le numéro 1 mais on avait un petit peu raté une étape. J'ai un peu du mal à cerner chaque personnage encore, mais je trouve qu'il travaille bien les attitudes et les réactions de chacun. C'est bien, bien fichu, ça amène à chaque fois toujours un peu plus de piment et de tension entre les personnages. C'est vraiment une série où il y a de la tension quand même. Hein. On se dit que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre à chaque instant et vite virer au cauchemar. Et là, le cliffhanger du 5, là, ça change encore une fois. Encore une fois, les choses. Et ça pourrait bien, bien nous surprendre dans la suite. Au niveau des dessins, c'est toujours, toujours sublime. Alvaro Martinez Bueno propose un style différent de ce qu'il faisait avant, mais il a toujours un dessin un peu crayeux, un peu agressif, on va dire. C'est moins doux que ce qu'il faisait avant, et ça fonctionne parfaitement. Et puis Jordi Belair avec ses couleurs très vives, qui donne un aspect un peu irréel, on va dire. Oui, c'est pas très, ça fait pas réaliste du tout. Hein. On est plongé dans un monde vraiment particulier. Au niveau dessin, c'est toujours magnifique. Donc, on en est à 5. Donc à la moitié, je crois. Non, c'est en 12. Ouais. Je crois qu'il va y avoir une pause au 6, si j'ai bien compris, si je me souviens bien. Oui. Donc là, un dernier numéro pour un demi-arc, on va dire. Et pour l'instant, c'est génial. Je crois qu'on peut le dire. Oui, c'est vraiment une des grosses, grosses séries. Ça a les qualités de ce que ça promettait au départ et de ce qui était annoncé. Oui, donc, un vrai coup de cœur. Oui, c'est clair. Je vais pas en rajouter. C'est effectivement exceptionnel, cette série. Et il me tarde de découvrir le numéro 6 et surtout la couverture du numéro 6. Pour le moment, l'illustration a été dévoilée, mais ce n'est pas l'illustration qui m'intéresse moi sur la couverture. Hein, c'est le bandeau du haut avec les symboles. DC, je pense, volontairement ne dévoile pas la couverture complète du numéro 6 avec tout l'habillage. Tu as lu le numéro 5, tu vois ce que je veux dire, Boris. Je trépigne. Ça sort le 16 novembre et pour le moment, on n'a toujours pas cette couverture habillée. Parce que je pense que s'ils ont été aussi loin, on a cette obsession des symboles depuis le début, s'ils ont été aussi loin dans la prévision de leur numéro et qu'ils ont été dans le souci du détail jusque-là, il n'y a aucune raison que ce détail-là ne figure pas en couverture. Oui, bah oui. Ça serait logique. Ouais. Bon, bref, continuons. continuons avec quoi que je reprenne le conducteur. Continuons avec un petit combo que tu vas nous proposer avec trois titres. Oui, ça va être rapide. Rapide parce que j'en ai déjà parlé, parce que mes avis n'ont pas changé et puis parce que je n'ai pas forcément grand chose à en dire. Donc le premier, c'est Basilisk 4. Donc c'était la série de Cullen Bunn, de Jonas Scharf et... du coloriste Alex Guimarèche. Alors, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. C'est une série qui, graphiquement, me séduit beaucoup. Mais au niveau histoire, avance quand même très peu. Et le 4, c'est toujours les mêmes défauts. Alors, le 4, c'est un affrontement. Voilà, la rencontre attendue depuis le début, on va dire, entre Regan, elle s'appelle, je crois, l'héroïne. Et c'est... cette bande de personnages avec des pouvoirs et voilà, qui ont un conflit avec elle. Donc tout le long de l'épisode, c'est la baston, on va dire. Alors c'est bien chorégraphié, c'est joli, mais au final, on n'a pas beaucoup avancé à la fin, je trouve. Donc je sais pas, je pense que, puisqu'a priori, ça a l'air d'être la fin du premier arc, pas très net non plus, le 5 n'est que pour décembre. Donc il y a une coupure, alors je pense que c'est coupé comme ça. Pas forcément totalement convaincu, je ne suis pas sûr de continuer en single, ça va plutôt passer en TP. Le deuxième titre, c'est That Texas Blood, le numéro 9. Donc là, je suis toujours bien accroché par cette série. C'est un arc qui se passe dans le passé, alors qui est raconté par Joe Bob, le shérif... du comté qui se remémore une affaire vieille de 30 ans. Donc c'est toujours agréable à suivre, c'est assez lent quand même, hein, comme série. C'était déjà lent dans le premier, mais là c'est encore plus lent, je trouve que c'est... voilà, ça prend vraiment son temps. Ce qui n'est pas forcément un gros défaut, mais comme on le disait un peu pour Ascender tout à l'heure, quand on le lit en single et que c'est un petit peu lent, c'est un peu... voilà, on aimerait avoir des fois un petit peu plus de rythme. Maintenant, ça reste très agréable. C'est le 9, ça doit aller jusqu'au 12, je pense. Donc, on est à la moitié à peu près de l'arc. Ça reste un bon petit polar, sympathique, avec des personnages assez charismatiques, et puis une partie graphique que j'aime toujours autant de Jacob Phillips. Donc, une série qui continue sur sa lancée, toujours agréable. Et le dernier titre, c'était Geiger, le 6. Donc, ça aussi, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, un numéro 6, très bon. Toujours très bon, qui mêle toujours un peu d'intime et de côté super-héroïque, baston, etc. Donc ça, c'est bien équilibré, je trouve que ça, par rapport à certains épisodes, je sais plus, on avait dit le 2 et le 3, je crois, qui en termes de rythme, parfois étaient un peu irréguliers. Celui-là est très bien fichu. Donc c'est une fin de première partie, clairement, ça annonce une suite. Seul problème, quand on viendra à la suite, puisque à la fin de l'épisode, les auteurs annoncent qu'ils ont une autre série en cours de fabrication et qui va sortir en 2022 dans le même univers a priori. Et donc la suite de Geiger, c'est pas pour tout de suite. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. On sait pas trop quand ça va revenir. J'ai un peu peur que ça fasse comme certaines séries Image qu'on a attendu pendant un an, deux ans. Après, j'avais dit, il y a un super Giant 80 pages là, qui va sortir. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a un... Ouais, alors j'avais dit, je le prendrais pas parce que je voulais pas m'égarer. Puis j'ai d'expérience, on va dire, quand c'est écrit par d'autres, ou voilà, des petites histoires supplémentaires, j'ai un peu peur que ça soit très dispensable. Bon, je l'ai précommandé quand même parce que je me dis que voilà, ça m'a motivé quand même. C'était très bon la fin là. Et puis je pense que la nouvelle série dont il parle va aussi, je vais aussi m'y intéresser. Bon, voilà, on verra bien. Tant que ça reste écrit par Jeff Jones, et puis que on verra le voilà. Et au dessin, c'est comment s'appelle-t-il, Gary Frank. Je continue. Le Giant, je prends celui-ci, parce qu'il y a marqué numéro 1. Je ne sais pas s'il y aura d'autres. On verra bien. Si j'ai l'impression de me faire flouer, je serai vacciné, je pense, pour la suite. Mais là, ce numéro-là est quand même vraiment excellent. Ils annoncent quand même des auteurs sur le Giant, là, Jojo, Gallery Front. Il y a du Tomasi aussi. Oui, mais je pense que ce qui me vaccine un peu, c'est le Black Hammer Vision. On est clairement sur le même modèle de Black Hammer. C'est vrai. D'accord. Où il y avait Je veux dire, pas sur le Vision, mais on est clairement sur le modèle de l'univers Black Hammer. La série qui fait un arc, on va faire quelques spin-offs, on va revenir pour un autre arc de l'histoire principale. Voilà, donc ça peut faire peur. Tant que c'est écrit par Geoff Johns, les séries, même les séries spin-off, oui. Si c'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger, ce sera sans doute sans moi. Là, le Giant, c'est un épisode. Bon, il est quand même vendu à 7,99$, donc c'est intérêt quand même à pas être trop mauvais. Mais le Black Hammer Vision, bon, c'était une série, c'était plusieurs épisodes, mais il y avait des grands noms aussi. Hein. Et qu'est-ce que c'était nul. Oh là là, c'était une instant. J'avais été pour lui. Parce que en vrai, enfin moi je trouve que le titre de Geiger à lui-même se suffit largement à lui-même, quoi. Oui. Je suis pas sûr que faire un univers à la Black Hammer, ça soit indispensable. Pour l'instant, en plus. À la tête, hein. Il y a des plans, mais c'est ça. C'est bizarre. Mais après, je suis d'accord avec Boris. Le numéro 6, je l'ai lu en même temps qu'on enregistre. Le numéro 6 est super bien équilibré. Bien mieux équilibré que d'autres numéros. Hein. Il y a à la fois de l'intime et effectivement de l'action et un climax de fin tout à fait intéressant. Donc, c'est une vraie réussite. Hein. C'est à l'image, en fait, du premier arc. Hein. C'est une vraie bonne surprise. Bon, en même temps, Geoff Johns, Gary Frank, on pouvait espérer que ce soit quand même bien. On pouvait espérer. Ouais. Non, bien. C'était bien. Nous allons continuer notre marche, puisqu'il nous reste quand même pas mal de choses encore à aborder. Si tu peux nous le faire rapide, Boris, le Stray Dogs. Oui, c'est parti. Ça serait cool. Bon, allez, c'est parti. Donc, Stray Dogs, c'est le TP, puisque c'est une mini-série en 5, scénarisée par Tony Flix et dessinée par Trish Forstner. Donc j'ai pris le TP parce que j'avais vu beaucoup de bons retours sur les sorties single. Donc c'est une histoire canine, donc c'est des chiens. Donc c'est l'histoire d'un petit chien dont la maîtresse est décédée et qui est recueilli par un homme dans sa maison qui lui a déjà recueilli plein de chiens et qui est supposé être un ami des animaux. Et lorsque ce petit chien arrive, en dialoguant avec les autres et en se baladant un peu, s'aperçoit que les règles imposées laissent supposer que c'est peut-être pas si cool que ça ici. Et il se met à enquêter. Donc c'est un polar canin qui se passe dans la maison et tous les chiens participent à l'enquête et il y a des rebondissements. Et puis on arrive à une conclusion relativement prévisible, on va dire. J'en avais vu franchement des reviews très très très très bonnes. C'est vrai. Moi j'ai passé un bon moment. Ça se lit très vite en TP. C'est sympatoche. Par contre, j'ai pas été surpris à un seul moment, quoi. Tout est un peu prévisible. Donc pour moi c'est pas une grande mini-série. C'est un truc qui se lit, mais c'est pas un truc que je relirai franchement. Après au niveau dessin, la dessinatrice a travaillé chez Disney, donc c'est très dans l'esprit Disney au niveau des designs de chiens. Hein. Tous les dessins animés avec des animaux Disney, si vous imaginez un peu, vous vous souvenez ce que ça donne, c'est exactement ce type de dessin. Alors quand il faut que ça saigne et que ça canarde, il y a quand même on cache rien quoi, hein, on y va. Mais moi j'ai trouvé que ça manquait de surprise, donc sympatoche, mais c'est pas un truc que je relirai et que je conseille fortement, à part si vous êtes un amoureux des chiens, peut-être. Mais sinon, c'est sans plus. Ouais, je suis d'accord. J'avais lu le premier numéro et j'ai calé après, parce que je me suis dit, ça va être juste mignon, en fait. Honnêtement, je m'attendais à un truc un peu trash, quand même. Et puis, au niveau du scénario, un peu plus... Là, c'est... Enfin, au niveau du scénario, on n'est pas surpris, en fait, quoi. C'est juste mignon. C'est du polar. Les dessins sont mignons. Très classique. Voilà, ça manque un peu d'aspérité, quoi, voilà. C'est qu'il y a des aspérités en revanche, t'as vu un petit peu c'est l'enchaînement après 316 émissions, on arrive un peu à C'est beau quand même. Ce qui a des aspérités en revanche, c'est Human Remains de Peter Milligan. Alors moi, quand Peter Milligan fait quelque chose, en général, je vais voir. Parce que Enigma, parce que tout ça. Du coup, j'ai envie de voir. Et il est cette fois-ci avec Sally Cantirino pour les dessins. Et le concept est tout simple, hein, c'est imaginer un monde dans lequel les sentiments humains étaient bannis, seraient bannis. Des créatures extraterrestres envahissent la Terre, et en fait, elles semblent se nourrir des personnes qui manifestent des sentiments humains. Elles sont attirées par les sentiments, apparemment. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu sors dans la rue et que tu exprimes de la colère ou de la joie, ou peu importe quelle forme de sentiment, eh bien, il y a une espèce de portail qui s'ouvre, une créature qui sort, qui est absolument immonde, et qui, dans un déferlement de violence graphique, atomise la personne concernée. Voilà. Donc, manifester des sentiments chez soi, ok, mais dès qu'on est dehors de chez soi, là, il ne faut plus. Et il semblerait que ça commence à partir de 6 ans, chez les enfants à partir de 6 ans. Donc, on l'apprend parce qu'on suit notamment une famille dont l'enfant va bientôt avoir 6 ans et qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, comme beaucoup d'enfants. Donc du coup, grosse peur chez les parents. Voilà un petit peu le concept. Sentiment humain interdit. Alors imaginez ce que ça donnerait si une cérémonie de mariage avait lieu à l'extérieur. C'est ce qu'on va nous raconter. C'est ce qu'on va nous donner là, cette cérémonie de mariage et forcément les conséquences assez spectaculaires qu'elles vont avoir. C'est du Peter Milligan, donc l'écriture est bonne, les dialogues sont bons, c'est un sujet assez original pour le coup, bien traité, et puis bah voilà, il y a toujours un des thèmes chers à Milligan, hein, tout ce qui va être l'expression des sentiments, tout ce qui fait qu'un humain est un humain en fait. Et ça, c'est une réflexion assez intéressante qui va conduire du coup d'une autre façon ici. Les dessins de Cantirino font très indé, comme on dit, c'est-à-dire c'est pas des dessins qu'on va retrouver chez Marvel ou chez DC, quoi. On est sur un style plus individuel. Pour moi, il fonctionne. Graphiquement, c'est assez efficace. Je pense que ça plaira pas à tout le monde au niveau graphique, mais moi, j'ai bien accroché. Donc, je suis intrigué. J'ai envie de voir ce que Milligan a derrière la tête. Enfin, qu'est-ce qu'il va nous raconter par la suite? Comment tout ça va évoluer? Voilà, premier épisode m'a accroché. Je reste sur mes gardes parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise sur une suite ou un numéro 1 assez spectaculaire et assez accrocheur qui finalement retombe comme un soufflé au numéro 2 ou 3. Ce serait pas la première fois que ça arrive en indé. Pour le moment, ça me va. Voilà. J'avais failli y aller, moi, ouais. Parce qu'il y avait Sally Cantirino. Et j'avais bien aimé ses dessins sur I Walk with Monsters. Oui. Une série que j'avais trouvé finalement peu développée, je trouvais que ça avançait pas beaucoup, et je me demandais justement si c'était pas un peu à cause des dessins aussi, parce que c'est une dessinatrice qui dessine peu de cases par page. Je sais pas si tu as remarqué, je trouve qu'il y a peu de cases, et je trouve que ça ralentit les choses. Donc, et puis Peter Milligan, ça m'intéresse aussi, mais bon, comme I Walk With Monsters m'avait un peu refroidi, j'avais été un peu déçu, j'y suis pas allé, mais bon. Si tu continues à lire et que tu continues à dire que c'est bien, j'irai voir le TP, je pense. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est des... Non, les dessins sont sympas, effectivement, c'est de l'indé, hein, faut pas... Bah oui. Mais les dessins sont très sympas, sur I Walk With Monsters, c'était sympa aussi. Mais effectivement, c'est étrange, c'est une dessinatrice qui fait peu de cases par page, et je pense que ça impose un rythme un peu particulier, oui. pas très vif. Et pour I Walk With Monsters, qui était déjà un titre avec un scénario peu dense, c'était un peu mou, quoi. Donc, bon. À voir. Enfin, voilà, c'était ma pierre à l'édifice. Eh bien, merci pour cette pierre. à suivre donc pour Human Remains. Clément, tu vas nous dire deux mots de la fin d'Infinite Frontier, oui. Qui était une mini-série en 6 de Monsieur, parce que maintenant nous devons l'appeler Monsieur, Joshua Williamson. Oui, alors j'ai un trou de mémoire qui avait au dessin. Oh, alors là, tu m'en demandes un peu trop. Moi, je retiens un scénariste quand il est aussi exceptionnel. Mais, dessinateur était bon aussi, hein, tu me diras. Ouais, il était bon, c'est pour ça. Je voulais quand même lui rendre hommage, mais on va se contenter. Je vous cherche ça. Vas-y, cause. Oui, donc la fin de la mini-série Infinite Frontier qui fait suite tout simplement au. Comment on peut appeler ça? Un relaunch. Au rebranding, enfin c'est oui, c'est pas vraiment du relaunch, on est reparti dans un nouveau souffle. Ouais. Un nouveau cycle, on va dire, donc le cycle d'Infinite Frontier, et donc la série faisait suite à ça. Donc surtout suite, moi j'avais pas du tout lu manifestement la Crisis qui a lieu vers le titre complètement barré de Snyder, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Death Metal, ouais. Et donc ça fait suite à ça. Alors je vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler, parce qu'il se passe énormément de choses, et surtout il se passe énormément de choses prometteuses. Mmh. Ouais. Bref, il se passe beaucoup de choses qui suscitent l'intérêt. Williamson vraiment, et bon, il est génial, hein. Franchement, j'étais assez sceptique au début, et puis en fait au fil de l'écriture, on se dit ouais, ok, ça va être du très bon. Et il a, moi, à mon sens, il a compris l'essence des personnages, il a compris l'essence de l'univers de DC Comics, et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et surtout, les deux derniers numéros, et notamment le dernier, bon, ça promet du lourd, hein. Concrètement, ça va pas s'arrêter là, Williamson va pas s'arrêter là. Est-ce que je peux dire, à mon avis, ce qui se profile pour 2022 ou pas? On le sait à demi-mot. Hein, Une nouvelle crisis. Oui. Et là, ouais, c'est évident. Et sincèrement, ça promet. Honnêtement, des fois, ce qu'a fait DC m'a pas hypé. Mais alors là, j'ai terminé la dernière page hier soir. Je me suis dit, waouh, vivement 2022, vivement la suite, ça peut promettre que du lourd. Parce qu'il fait, enfin voilà, mini spoil. Enfin, il y a un personnage qui apparaît. À partir du moment où il apparaît dans le dernier numéro, on se dit, ok, d'accord, on va sur du lourd pour l'avenir à venir. Et c'était vraiment très bien écrit. Si je me trompe pas, ça va être sans doute en partie pour grâce à cette série-là qu'on va avoir la JSA, je crois, bientôt. Oh oui, ça, oui. Il me semble. Ça y contribue en tout cas. Oui, ça y contribue largement. J'ai un peu l'impression qu'on va. J'ai un peu l'impression qu'en partant d'Infinite Frontier, grâce à Infinite Frontier, DC va trouver un moyen, voire entre guillemets une excuse, pour retourner à ses fondamentaux. Vu la fin du dernier numéro, j'ai un peu le sentiment que DC a envie de faire quand même une grosse table rase de pas. Bah, ça, on le savait déjà, mais des New 52, voire une table rase de Rebirth sur les éléments qui n'ont pas fonctionné, pour retourner à ses fondamentaux et récupérer, et à mon grand étonnement d'ailleurs, récupérer les lecteurs, grosso modo, des deux premières crises, quoi. J'ai eu un peu ce sentiment-là. Ou en tout cas, le final d'Infinite Frontier a fait appel, en tout cas, c'est pas l'âge d'or, mais au passé de DC Comics, mais entre guillemets dans ce qu'il y a de plus noble, quoi. Pas dans un passé récent d'une dizaine d'années, mais dans un passé d'une trentaine, quarantaine d'années. Enfin, ça m'a laissé ce sentiment-là, donc c'est ultra prometteur et j'ai vraiment hâte de voir ce que va permettre et faire Williamson, hein. Parce qu'en termes d'écriture, il est vraiment génial. Je confirme tout ça, hein. Je vais pas en rajouter des tonnes, hein. Mais oui, effectivement, Infinite Frontier, c'était très très bon. Ce qui s'annonce est très très bon. Williamson fait partie de ces artistes, ces auteurs qui maîtrisent leur continuité, qui référencent les choses, qui introduisent, enfin qui ramènent des personnages, des concepts, etc., qu'on a déjà vu soit il y a 6 mois, soit il y a 40 ans, et qui considèrent qu'il n'a pas besoin de nous les prémâcher, de nous les expliquer, et que c'est à nous de faire l'effort, si on ne comprend pas, d'aller chercher la référence, si on est dérangé et si on a envie d'en savoir plus. C'est particulièrement le cas là, dans le dernier numéro. Dans toute la série, il ramène des choses qui sont vraiment... La série, il faudrait que je la relise en entier. Des choses qui sont lointaines et obscures pour la plupart des gens, qui vont remonter notamment à l'époque de Crisis on Infinite Earth et même un peu avant. Et voilà, il fait pas, il nous prend pas par la main, quoi. C'est, je vous raconte ça, je mets tel personnage, vous savez pas qui c'est, allez voir. Il en fait pas des caisses. Alors que des fois, on pouvait avoir ça, et c'est totalement ça. Enfin, je veux dire, clairement, enfin, nous, on connaît l'univers de DC, donc forcément, il y a des choses. Bon, il met des choses sur dans l'histoire. Il y a des cases qui font que, on voit tout de suite de quoi il parle. Mais clairement, c'est vrai qu'il va pas aller dire Bah vous allez, voilà ce que c'est ça exactement, voilà ce qui s'était passé il y a X temps. Non, non, pas du tout. C'est il part vraiment continuité et que les choses sont acquises. Oui, il part du principe qu'on sait, et il a bien raison. Et il a bien raison, c'est beaucoup plus plaisant à lire, et effectivement, il y a des choses, il faudrait que je le relise, mais c'est clair qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément captées, bah, ça m'a un peu... Il est limite, enfin, d'ailleurs, même la fin d'Infinite Frontier m'a donné envie en fait, d'aller lire, parce que je les ai, à ma grande honte, je n'ai jamais lu Crisis on Infinite Earth, et ça m'a donné envie de lire ça. Les dessins me donnent un peu moins envie. Mais non, non, c'est très fort. C'est très fort. Donc, j'ose espérer que ce que prévoit, ce que laisse présager Infinite Frontier, ça va être une crise, mais une vraie crise, quoi. Ouais, il y a des chances. Et puis, dernière chose, avant de passer à la suite, et que Boris, plutôt, pardon, nous dévoile enfin le nom de cet art de l'artiste de Infinite Frontier. Ah oui, pardon. J'avais oublié. Non. Du coup, alors, juste la dernière chose. Vas-y. Oui, Xermanico. Voilà, c'est ça. Je connais pas, mais ça a l'air sympa. Ouais. Et dernière chose, c'est que Williamson garde son attachement à Flash et il lui donne une place toute particulière. Oui. Parce que je pense qu'il a une place toute particulière dans son cœur et que Flash est important dans toutes les crises et que du coup, il faut qu'il ait une place particulière et du coup, il l'a et c'est très agréable. C'est très agréable. Il aura une place particulière manifestement. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Vu la fin, il aura une place particulière. Et c'est ce qui fait toute la force hein, d'Infinite Frontier et qui fait que c'est ultra prometteur. Parce que comme tu le dis, ça se sent qu'il aime Flash, ça se sent qu'il a compris et qu'il respecte le perso de Flash et que surtout, il a compris que Crisis égale Flash. Quoi. Enfin, Flash est incontournable, plus un autre perso dont je tairai le nom, mais je pense que les connaisseurs ont une idée de quel perso apparaît à chaque Crisis. Donc là, ouais non, c'est totalement ça, quoi. Et ça me donne envie d'ailleurs, parce que je ne l'ai jamais fait non plus, de lire le run de Williamson sur Flash. Là, j'en pousse un soupir de désespoir. Allez Boris, remonte-moi le moral avec Daredevil 32 à 34. Ouf. Et on va essayer d'accélérer, parce qu'on commence à être un peu long. Ben je vais faire vite aussi. J'en avais déjà parlé l'autre fois, Daredevil de Chip Zdarsky n'est plus vraiment dans le haut de ma pile. J'avoue que je me lasse un petit peu. Alors, ça reste une série agréable à lire, mais on est loin des standards des épisodes 15 à 20, par exemple. Je trouve que ça s'étire en longueur. Là, toute cette intrigue avec Bullseye, avec Daredevil en prison qui veut sortir mais qui sort pas, etc. Ça devient un petit peu lassant. Et puis faut dire qu'on n'est pas aidé par le changement de dessinateur quasiment à chaque épisode. Là sur les trois que du 32 au 34, on a trois dessinateurs différents. Alors il y a toujours Marco Checchetto sur le 33 et c'est toujours aussi beau, ça il y a pas de souci. Mais quand il est remplacé, alors c'est là par Landini, son prénom, je ne sais plus. Stefano Landini en italien. Bon, c'est sympatoche mais c'est pas exceptionnel et puis par Mike Hawthorne, là c'est encore moins bon. Donc ça joue quand même un petit peu, je pense, le fait de changer tout le temps de dessinateur, surtout quand on sait qu'on a le top, on va dire, qui était depuis le début de la série ou presque. Après, je me suis pas ennuyé, hein, faut être honnête, mais je trouve que c'est un petit peu long ce dernier arc. Et puis ce qui est prévu après m'ennuie un petit peu, on va dire, que tout ce qui est annoncé là sur Daredevil. Alors il va y avoir une mini scénarisée par Chip Zdarsky avec son nouveau Daredevil hein, maintenant. Mais ça me tente même peut-être même pas trop quoi. Donc un peu voilà, une fin de run un peu décevante quand même par rapport au canon qui avait été mis en place au préalable. Voilà, il reste deux épisodes, 35-36. Ouais. Mais bon, j'ai fait rapide. Eh bien parfait, je n'en ajouterai pas plus. J'aime toujours, mais c'est un peu long effectivement. Et je peux faire rapide aussi sur voilà parce que là, ça va être très rapide. J'ai terminé cette mini-série. Toujours par Chip Zdarsky. J'avais dit que les trois premiers m'avaient franchement pas emballé des tonnes. J'étais parti avec dans l'esprit un peu le Spider-Man Life Story, hein, qui était un peu l'idée, un what if. Là, c'est le what if où Spider-Man est possédé par le symbiote, et puis bah, ça se passe pas comme dans la continuité classique. Franchement, non, je me suis franchement ennuyé. J'ai été jusqu'au bout, mais ça m'a ennuyé fortement. Je trouve que c'est pas très surprenant, c'est du tout venant, du basique. Il y a rien de folichon et puis franchement les dessins m'ont là aussi Des dessins de Pasquale Ferry. Ouais. Alors là, je suis vraiment pas fan, moi. Je trouve que c'est... C'est pas beau. C'est une de mes déceptions de cette année, cette mini-série, parce que vraiment, le numéro 1 nous annonçait pas ça. Enfin, nous annonçait un truc beaucoup plus enlevé, beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent et tout ça et machin. Le numéro 2 semblait confirmer cette direction. Et alors, dès le début du numéro 3, on commençait déjà à ranger les jouets et à dire oh, « Non, on va se calmer, on peut pas aller aussi loin, quoi. » Et c'est bien dommage, parce qu'on aurait voulu que ça aille aussi loin, justement. C'est d'un ordinaire, je trouve, la fin, là. Ouais. Entre les deux derniers, c'est... Pouh, je suis d'accord. C'est un peu comme... comment ça s'appelait ? X-Men Fantastic Four, là, que Chibzarsky avait scénarisé aussi, une mini-série. Tu n'as pas lu ? Bah, c'était peut-être... c'était pareil. Après, c'était Terry Dodson au dessin, donc c'était quand même mieux. Mais en termes de scénario, c'était d'un ennui aussi assez terrible. Donc voilà, Chibzarsky n'est pas toujours performant, et là, c'est peut-être un des trucs les pires que j'ai lu qu'il a scénarisé. Ça vaut pas le coup. Ça va sortir chez Panini. Si vous avez pas... Non, vous pouvez laisser chez votre libraire. Mmh. Voilà. En effet. Allez, je vais commencer la suite, et puis je te laisserai continuer avec ton avis. Il s'agira de The Me You Love in the Dark, numéro 2 et 3. On avait parlé du numéro 1, je crois. Oui. Numéro 2 et 3. On arrive à plus de la moitié de la mini-série, hein, parce que c'est une mini-série en 5, si je ne dis pas de bêtises. Scotty Young, Yoré Corona au dessin. Jean-François Beaulieu pour les couleurs, évidemment, comme toujours avec Scotty Young. Et j'avais une petite crainte à la fin du numéro 1, où je me disais, bon, est-ce qu'on va vers un truc classique ? Est-ce que ça va démarrer ? Parce que c'était bien, mais... Il manquait un petit truc. Je ne sais pas si toi, tu avais aussi cette sensation, mais il manquait un petit truc à la fin du numéro 1. On se disait, bon, il manque ce truc qui va faire que ça va nous accrocher définitivement pour la fin de la mini-série, et ça va faire que ça va être quelque chose de marquant ou pas si on ne l'a pas. Pour moi, il est arrivé. Et pour toi ? Ah oui, moi, c'est... On va voir comment ça va se continuer et se finir, mais pour l'instant, c'est un coup de cœur, hein, clairement. C'est... Ouais, d'accord. Même si dans le déroulé, enfin voilà, ça a un côté un petit peu classique, il n'y a pas d'énormes surprises, on va dire, mais c'est tellement bien fait et tellement original, je trouve, en termes de dessin notamment. Et on s'accroche, on est accroché, on est totalement dans l'histoire, quoi. Et finalement, c'est pour l'instant un peu une romance, mais avec ce qu'il faut de petits piquants et de surprises et de mystères. Et ça fonctionne totalement. Puis les dessins, franchement, ouh! Qu'est-ce que c'est beau ? Oui. Qu'est-ce que c'est beau ? Oui, c'est impressionnant. C'est très, très, très, très beau. Et ça joue sur le mystère de cette créature qui est dans l'ombre, qu'on ne voit jamais vraiment en entier, qu'on voit en contre-jour, etc. Y a vraiment beaucoup de jeux sur les lumières. C'est très, très, très intéressant. Et les couleurs de Beaulieu contribuent largement à ça. Ouais. Sur Middle West, c'était déjà lui, époustouflant, hein, en termes de couleurs. C'est vrai que c'est... Et puis ça se marie bien avec le trait assez fin de Yuriy Gourna. Ouais. Ils se sont bien trouvés tous les deux. Le trio y a pas photo, avec Scotty Young pour compléter l'histoire, là, ouais, c'est efficace. Ouais. C'est... Alors après, il y a des petites pages à la fin du 3. Je sais pas si t'as vu, il y a des deux pages prévues, on va dire, un peu. Je les regarde jamais parce que je veux pas me spoiler. Ouais, bon, moi j'ai regardé, je sais pas où ça va aller, faudrait pas que ça... Enfin bon, on verra. Je sais pas, on verra bien, okay. Mais pour l'instant c'est très très bon. Hein. Il reste deux épisodes, hein, de toute façon. Oui, oui. Bah, de toute façon, ça... je pense pas que ce soit une histoire qui puisse durer beaucoup plus longtemps. Hein. C'est quand même très, très spécifique. Il va falloir ranger les jouets, ouais. Mais pour l'instant très bon et bien accroché. On va voir comment ça tourne. Ah ouais, je suis d'accord. A Writer's Search for Vengeance. Maintenant, je vais vous parler de ça. Le nouveau Rick Remender est arrivé. C'est un peu comme le Beaujolais. Il y a toujours un nouveau Rick Remender qui arrive. Et cette fois-ci, il est avec André Lima Aroro au dessin. Et pour les couleurs, Monsieur Chris Walloran, que l'on aime particulièrement. Vous connaissez la loi de Murphy ? Ouais. La loi de l'emmerdement maximum, celle qui veut que ta tartine tombera toujours du côté du beurre quand elle tombe. Eh bien, le personnage que l'on découvre dans cette histoire, c'est une loi de Murphy vivante. Ça, c'est marrant, ça. Ce mec, tout ce qui lui arrive finit par mal tourner. Voilà. n'y a pas un truc qui se passe bien dans sa vie. Il sort, il se met à pleuvoir à Sceaux, évidemment, il n'a pas de parapluie. Il est poli, il laisse passer des vieux pour monter dans le bus alors qu'il pleut, une pluie battante. Les vieux n'arrivent pas à fermer leur parapluie, ils mettent trois plombs pour monter, il est trempé. Enfin voilà, tout, c'est que le début. Hein. Forcément, des petits accidents, des petites bousculades, il y en a tout le temps. Il y a cette histoire du pigeon mort aussi qui est absolument particulière. Et forcément, bah, un mec comme ça qui cumule les emmerdes, on se doute que ça va finir par un truc... l'emmerde avec un grand E, quoi. Et ouais, elle arrive. Elle arrive à la fin du numéro, on la voit pas venir, et quand elle arrive, on se dit, le pauvre, logique, quoi. Donc, il se retrouve embarqué dans un truc, à mon avis, qui va complètement le dépasser, ce pauvre type. On sait pas comment il s'appelle, il y a très peu de dialogue, il y a assez peu de dialogue, hein. Heureusement, c'est très très joli graphiquement, et la composition des planches, le rythme donné même dans les dessins qui contiennent du rythme en eux-mêmes, font que on a vraiment ce rythme narratif qui est installé et qui fonctionne. Après, faut pas chercher beaucoup de dialogue, hein. Il y a très très très peu de bulles dans l'ensemble. C'est un numéro qui se lit très vite, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ce mec-là et tout ce qui lui arrive et l'histoire de merde dans laquelle il est embarqué. Ouais, j'ai envie de voir ce que ça devient par la suite. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le voir en single? Je sais pas, parce qu'effectivement, c'est $3.99 pour... Pas donné. Pour 4 minutes de lecture, quoi. Parce qu'effectivement, il y a très peu de texte. Donc du coup, à moins de s'attarder sur les dessins et d'y revenir, voilà. Mais ça risque d'être un peu léger en single, je sais pas, je vais voir au moins les previews du deuxième pour voir s'il y a plus de dialogue ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup accroché, et Rick Remender est toujours en forme. Ça, c'est très agréable. Donc, c'est sûr, j'irai voir au moins le TP, je n'ai pas encore décidé pour le single. Bah, tu donnes envie, ouais, parce que moi, je l'avais vu, mais... la dernière série qu'il avait sortie, c'était Scumbag. Ouais. Où là, j'avais pas du tout accroché. J'étais pas allé là-dessus, parce que rien que le titre et l'ambiance visuelle des couvertures et des previews m'avaient dit... Ah ouais, c'était... C'est pas pour moi. Non, c'était pas pour moi non plus. Donc ça m'a un peu calmé. J'en ai lu qu'un, hein, mais ça m'a calmé. Hein. Non, j'ai pas du tout accroché. Donc là, je me suis dit non. Mais bon, effectivement, moi aussi, sans doute la VF, ça sortira en VF certainement. Oui, il y a des chances avec Remender. Donc chez Urban sans doute. Donc je me rabattrai sans doute là-dessus après avoir vu les critiques sur l'ensemble de. C'est une mini qui est prévue ou... Je n'ai pas regardé, je t'avoue. Okay. Est-ce que c'est marqué dans l'ours ou pas? Des fois c'est marqué. Non, c'est pas marqué, c'est marqué juste numéro 1, octobre 2021. Pour l'instant, il est marqué. Il y a 4 épisodes de prévu pour l'instant, mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais. Bien joué, bonne pioche chez Image encore une fois. Allez, on va terminer, il reste trois titres à aborder. Seven Secrets numéro 12 d'abord. Bon, je vais aller vite aussi. Toujours aussi bon cette série. C'est donc toujours Tom Taylor, Daniel Nicolo et Walter Biamont. Toujours très bonne série, et en plus j'avais trouvé qu'au milieu de l'arc c'était toujours sympa, mais ça manquait un peu de surprise, on va dire. Et là, sur ce dernier, enfin sur ce numéro 12, on a encore de nouveau des révélations, beaucoup d'action, de la tension et de l'émotion, enfin tous les ingrédients qui depuis le début fonctionnent. Il y a vraiment de tout, et ça se lit de façon très agréable, et effectivement le cliffhanger nous mène encore vers autre chose, donc Toujours aussi agréable. Alors, la fin de l'arc. Si c'est le 12. Le TP2, c'est la fin de l'arc. Le TP2 vient de sortir. On va enchaîner sur un numéro 13, troisième arc après. Ouais, voilà. Donc, toujours sympa quand même. Hein. Puis c'est toujours aussi beau au niveau dessin, c'est toujours aussi dynamique. Et puis voilà, ça change un peu. Enfin, ça change. Il nous emmène toujours un peu dans des directions et il nous révèle des choses qui relancent à chaque fois la série. Donc, je ne sais pas s'il avait prévu autant d'épisodes, etc. Ou si il a changé un peu ses plans pour prolonger. Parce que je pense que c'est une série qui cartonne. Ouais. Donc, ça marche bien. À voir, mais pour l'instant, si la qualité continue à être au rendez-vous, moi j'en serai. C'est toujours, toujours agréable. Et ça sort donc en VF là, bientôt. Donc, ceux qui n'ont pas commencé et qui disent que la VF, vous pouvez pouvez-vous lancer les yeux fermés, c'est franchement très très bon. Ouais. Et puis avant de faire notre dernière review qui sera review collective, tu vas nous parler de cette série qui va sortir sous le nom de Safran Chou. Ça y est, elle est sortie. Ça y est, elle est sortie. Avec les deux numéros du nouvel arc, je crois, hein, 6 et 7. Ouais, c'est ça. Mais que fait-elle à Paris? Effectivement, ça se passe à Paris. Donc le premier tome, effectivement, est sorti en VF. Vous pouvez trouver mon avis par écrit. Je continue quand même en VO. Après, si ça continue, ça marche bien en VF. Peut-être que je me contenterai de la VF. Mais... Donc c'est la série dérivée de Chou. C'est complète. Oui, c'est bien déjanté. Ouais. C'est franchement, c'est du rocambolesque, du petit polar rocambolesque avec des personnages complètement décalés, des dialogues marrants. Là, à Paris, bah, elle vient faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire essayer de trouver un petit butin bien illégal en tuant des gens et en manipulant pas mal de personnes. C'est toujours aussi drôle. C'est bien parti. Alors bon, c'est du pareil caricatural. Faut pas s'attendre. Voilà, c'est bon. C'est pas réaliste pour dessous, mais c'est toujours sympa. Et puis Dan Boulefoot au dessin, dans un style vraiment différent de Rob Guillory sur Chou. C'est un dessinateur très très cartoony, très caricatural, mais ça fonctionne parfaitement. Honnêtement, pour le ton de la série, c'est bon. C'est pas de l'indispensable. C'est pas une série qui va devenir un chef-d'œuvre incontournable. On est en dessous de Chou. Mais franchement, c'est très sympa. Donc, et puis en single, ça se lit bien. Ça se lit pas trop vite, c'est pas trop rapide. Donc je vais finir l'arc là. Puis après, je verrai peut-être que je me contenterai de la VF pour la suite. Parce que je pense que ça va continuer, ça a l'air de bien marcher. Donc voilà, une série très sympa de John Lehman. À lire si vous aimez bien l'esprit de Chou. Mmh. Il manquerait juste Rob Guillory pour que ce soit parfait. Non, franchement, c'est pas le même style de dessin. Il n'y a pas des petits trucs cachés partout, etc. Mais c'est un dessin très... Alors, ça peut ne pas plaire, effectivement. Hein. C'est quand même très cartoon. C'est bon, c'est très bon. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je pense à Chou, je pense à Guillory et à son style inégal. Oui, c'est différent. Après, moi, je trouve que ça, le gars se débrouille bien, quand même. Ça tient la route. Hein. Oui, oui. Puis avec le ton de la série, je sais pas, tu l'as dit ou pas? J'ai lu le premier arc. Ouais, c'est sympa. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est peut-être pas une série qui devra durer très très longtemps parce que c'est un peu toujours la même chose. Hein. Oui. Un peu, voilà, c'est toujours une petite malfrate avec des manières pas très respectables et qui, voilà, c'est rigolo. Mais voilà, si 15-20 épisodes, ça peut le faire. Après, au-delà, ça risque de tourner en rond peut-être. Il n'y a pas un background suffisant pour que je pense que ça puisse durer trop longtemps. Sauf s'il nous rajoute un truc dans l'univers qui fait que... Voilà. Oui, à voir. Oui, parce qu'il y a des liens, ça s'inscrit quand même dans l'univers de Chou, par petites touches, on va dire. Oui. Mais ça, c'est pas indispensable et c'est pas, voilà, ça n'a pas d'impact pour l'instant sur l'univers qui était initial. Non. Voilà. Alors, nous allons terminer cette émission avec... un avis collectif sur un titre, et on va se la faire en mode cliffhanger, coming next. On va juste effleurer ce titre, on va en dire juste quelques mots, et puis on détaillera notre avis en tout début du 317, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur cette série, qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, notamment quand elle sera terminée, donc on va juste allécher les gens. J'aime bien faire ça. Et puis, pour ne pas durer non plus plus d'une heure et demie, parce que je sais qu'on peut partir largement sur un quart d'heure avec cette série. Donc, on va allécher les gens en leur disant à quel point c'est formidable. Et puis, on détaillera plus tard. Donc, on va se tenir à la base. Évidemment, cette série, je vais quand même vous donner son titre, c'est Mazebook, dessiné et scénarisé et colorisé et tout par Jeff Lemire, qui fait tout lui-même. Et... On va se dire voilà, pourquoi c'est incontournable et pourquoi il faut absolument lire ça avant d'entrer dans les détails la prochaine fois. Clément. Oui. Ah, évidemment, vous savez mon adoration pour Jeff Lemire. Mais là, comment dire, je suis forcément habitué, hein, je lis énormément de titres de lui. J'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Jeff Lemire, c'est-à-dire sa finesse d'écriture. Le fait que là, c'est typiquement, ça m'a fait penser à Royal City, mais je trouve que c'est encore plus fort. C'est que là, tu sens que le mec, il met ses tripes. c'est vraiment très très émotionnel. Les cas, enfin les dessins sont sublimes. C'est vraiment le mec, il met tout, enfin tu sens qu'il met ses tripes dans cette histoire, et vraiment c'est, enfin l'histoire elle te prend aux tripes, et elle est incroyablement touchante, elle porte sur plein de thèmes. Enfin c'est vraiment, pour moi, Maze Brooks, c'est vraiment, ça incarne vraiment ce que Jeff Lemire sait faire de mieux, et c'est un bijou, quoi. Enfin c'est un bijou. Je pense que chaque page il y a du détail, que de l'écriture, on lit les pages, on est pris par l'histoire. Enfin vraiment c'est, j'ai été sans exagérer, j'ai été bluffé. C'est très rare, ça reste très rare quand on est pris en trip par des lectures de comics, mais là vraiment Maze Brooks c'est quelque chose qui te prend en trip, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Eh bien parfait, nous allons enchaîner avec Boris. Allèche les gens, donne leur envie de venir nous écouter la prochaine fois. Après ce commentaire de Clément, c'est difficile de rajouter. Mais oui, on fait référence à Royal City, parce que Royal City c'était vraiment génial, mais c'est dans le même esprit effectivement. Mmh. Et on retrouve effectivement toute la poésie de Jeff Lemire. C'est extrêmement touchant, sombre, c'est très sombre. Et puis graphiquement, je trouve que peut-être il a jamais autant joué avec le graphisme justement. Carrément. Le jeu sur les couleurs, quand les couleurs s'invitent, ça a une importance dans l'histoire. Voilà, il y a des pages en ton de gris, on va dire un peu, d'autres où il y a de la couleur qui arrive. Enfin voilà, il y a un vrai jeu graphique qu'il n'y avait peut-être pas sur Royal City. Royal City, c'était en couleur, mais c'était beau, mais le jeu graphique n'était peut-être pas aussi fort. Et là, effectivement, moi, c'est une série sur laquelle j'ai hésité à aller suite à la lecture de Family Tree. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est encore une série supplémentaire de Jeff Lemire ou bon, ça va être moyen. Et en fait, dès la lecture du premier, ça a été quelque chose de très fort, effectivement, à suivre. Donc je vais y aller dans le prochain numéro. Je vais y aller de mon coup de cœur également, c'est un coup de cœur unanime. 48 pages par single pour $5.99, donc on est sur du double et demi hein, à chaque fois. Il y a du matériel, c'est sublime graphiquement. L'histoire de ce père qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille, qui n'arrive pas à le gérer en tout cas, est effectivement bouleversante, je suis d'accord. Et si je devais donner envie aux personnes qui nous écoutent d'aller lire absolument ce Maze Brooks et de venir nous écouter, en parler plus en détail la prochaine fois, je leur dirais que dans quelques années, quand on conseillera des lectures pour découvrir Jeff Lemire ou pour découvrir des comics qui comptent, des comics importants, je pense qu'on citera Trillium, je pense qu'on citera Essex County et qu'on citera Maze Brooks aussi, comme les trois piliers majeurs de l'œuvre de Jeff Lemire. Et ça, c'est un futur classique, c'est un futur incontournable de l'auteur, et ça crève les yeux. Donc, à suivre dans le 317, du coup, dans le Comic Stories numéro 317, dans quelques semaines. Le numéro 3 sera sorti d'ici là, je crois que c'est en 4. Non, il y a déjà le 5 de prévu. D'accord. En 5. Bon, alors on verra ce qui sera sorti au moment où on fera le 317. On s'attardera un peu plus sur l'histoire, sur les jeux de couleurs, les jeux de rythme, les compositions graphiques. Il y a trop de choses à dire là-dessus. En tout cas, allez le lire vraiment, découvrez-le. Et puis, ça vous laisse quelques semaines pour vous y mettre si vous étiez passé à côté. Et pour venir nous entendre, vous en parler sans être spoilé. Et pouvoir avoir aussi vos avis, parce que ça fait partie des choses dont on a envie de parler avec le plus de monde possible, ce genre d'œuvre, clairement. On se retrouve donc, je le disais, dans quelques semaines pour le numéro 317 de Comic Stories, où on aura pas mal de choses. On commencera par Maze Brooks et on enchaînera sur nos autres lectures. Il y a de belles choses à venir, à n'en pas douter. On dira peut-être un mot de The Eternals qui va sortir au cinéma dans quelques jours. Là, c'est mercredi pour les fans du MCU. Peut-être qu'on va enfin renouer avec les films qui comptent. Ça, ce sera pour la prochaine émission. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour ce 316e épisode. On se retrouve dans quelques semaines. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous. Bonne lecture et à bientôt. À bientôt. À bientôt.